Le mystère du pont de Thor par Arthur Conan Doyle. Nous étions en octobre, le vent soufflait avec rage. Quand je descendis pour le petit déjeuner, je m'attendais à trouver mon ami Sherlock Holmes fort déprimé, car il est extrêmement sensible aux influences extérieures. À ma profonde surprise, son humeur semblait des plus heureuses. Il y avait dans sa gaieté ce je ne sais quoi d'un peu sinistre qui caractérise ces bons moments. « Holmes, vous avez une affaire en train, lui dis-je. « En effet, Watson, répondit-il, j'ai une affaire en train. Après un mois d'arrêt complet, la machine se remet en marche. Si vous voulez qu'on vous pousse à la roue. Je veux bien que nous causions dans un instant, quand vous aurez consommé les deux œufs durs dont notre nouvelle cuisinière nous a gratifiés sous couleur d'œufs à la coque. » Un quart d'heure plus tard, la table débarrassée, nous étions, Holmes et moi, face à face. Il avait tiré de sa poche une lettre. « Vous connaissez, me dit-il, Neil Gibson, le roi de l'or, le sénateur américain. Sa notoriété lui vient surtout de ce qu'il possède les plus riches mines d'or qu'il y ait au monde. Il a dû vivre un certain temps en Angleterre. Son nom m'est très familier. Voilà 5 ans, il s'est rendu acquéreur d'un immense domaine dans le Hampshire. Vous avez su sans doute la fin tragique de sa femme. Je me la rappelle maintenant. » Mais j'ignore les détails de l'affaire. Holmes fit un geste qui désignait les journaux sur une chaise. Je ne prévoyais pas, dit-il, qu'il dût jamais m'occuper, sans quoi j'aurais préparé d'avance mes extraits de presse. Bien que sensationnels, elle ne semblait pas présenter de difficultés à résoudre. La personnalité sympathique de l'accusé n'ôte rien à la clarté des choses. Le procès va venir devant les assises de Winchester. L'issue n'en paraît guère douteuse. Je puis découvrir des faits, Watson, je ne puis les changer. Si contre toute attente il ne s'en produit pas de nouveau, je crains que mon client n'ait à se bercer d'aucune espérance. Votre client? Ah oui, je mets la charrue avant les bœufs, lisez ceci. Sous le papier que Holmes me tendait, une main hardie, autoritaire, avait tracé les lignes suivantes. Claridge's Hotel, 3 octobre. Cher Monsieur Holmes, il m'est impossible de voir s'en aller tout droit la mort la meilleure des femmes que Dieu a faite sans que, pour la sauver, je remue ciel et terre. Je ne me charge pas d'expliquer ni l'explicable, mais je sais, j'affirme, que Miss Dunbar est innocente. Vous connaissez les faits, ils défraient la chronique du pays. J'irai vous voir demain à 9 heures. Peut-être, grâce à vous, un rayon de jour percera-t-il les ténèbres. Peut-être ai-je à vous fournir quelque indice dont moi-même je ne m'avise pas. Tout ce que je connais, tout ce que je possède, tout ce que je suis est à votre disposition pour le salut de cette jeune fille. Si jamais vous avez déployé des ressources dans une affaire, que ce soit dans celle-ci, sincèrement vôtre, Jane Neil Gibson. À présent, vous êtes au courant, me dit Sherlock Holmes, qui, sa première pipe fumée, passait la seconde. Le client que j'attends, c'est Neil Gibson. Quant au fait de la cause, autant vaut que je vous en résume l'essentiel pour l'intelligence de ce qui peut survenir. Neil Gibson est une des puissances financières du monde. On lui prête un caractère violent et redoutable. De sa femme, victime du drame actuel, je ne sais rien, sauf qu'elle n'était plus de la première jeunesse et souffrait cruellement des charmes de la jeune institutrice placée auprès de ses enfants. Le mari, la femme, l'institutrice, tels sont les personnages en scène. Pour décor, un vieux manoir au centre d'un domaine historique. Et voici le drame. La femme est trouvée une nuit gisant sur le sol à un demi-mille environ de la maison. Elle est en toilette du soir, un châle sur les épaules, la tempe trouée d'une balle de revolver. Aucune arme près d'elle. Il semble que le crime ait été commis assez tard dans la soirée. C'est un garde-chasse qui découvrit le corps vers 11 heures. La police et un médecin l'examinèrent avant qu'on le transportât au manoir. Mais pourquoi soupçonne-t-on l'institutrice? D'abord, il y a contre elle une charge directe, un revolver où manquait une balle, et dont le calibre correspondait à celui du projectile qui avait causé la mort, a été trouvé sur le plancher de sa garde-robe. Les yeux fixes, Holmes répéta, en scandant les syllabes, « sur le plancher de sa garde-robe ». Puis il se tut. Un raisonnement s'élaborait chez lui. Mais dans un brusque sursaut, revenant à moi. « Vous concevez, n'est-ce pas, que c'est grave? En outre, la morte avait sur elle un billet lui donnant rendez-vous à l'endroit où le crime a été commis, et ce billet portait la signature de l'institutrice. Enfin, il y a le mobile du crime. Le sénateur Gibson est un homme de conséquence. Que sa femme vienne à mourir, celle qui la remplacera près de lui, n'est-elle pas, selon toute probabilité, la jeune personne pour laquelle, si l'on en croit la rumeur, il a déjà eu des attentions pressantes? Vilaine histoire, Watson, très vilaine. En effet, Holmes. Point d'alibi possible pour l'institutrice. Elle a reconnu que vers l'heure où se jouait le drame, elle se trouvait non loin du pont de Thor qui en a été le théâtre. D'ailleurs, un villageois l'y avait rencontré. Circonstance péremptoire, il me semble. Et pourtant, Watson, pourtant. Ce pont de Thor est une arche de pierre à double rangée de balustres, au-dessus de laquelle la grande allée du manoir franchit dans sa partie la plus resserrée une pièce d'eau longue et profonde bordée de roseaux qu'on nomme les dents de Thor. À son entrée même gisait le cadavre. Tels sont les faits essentiels. Mais voici, je crois, notre client est fort en avance. Billy venait d'ouvrir la porte. Qu'on juge de notre surprise en l'entendant annoncer M. Marlowe Bates. Ni Holmes ni moi ne connaissions ce visiteur. C'était un homme maigre, tout en air, aux yeux épouvantés, aux façons hésitantes et convulsives. Visiblement, l'énergie nerveuse qui soutenait cet homme allait le trahir. « Vous avez l'air bien agité, Monsieur Bates, » lui dit Holmes. « Veuillez vous asseoir. Malheureusement, je ne dispose que d'un temps limité. J'ai un rendez-vous à 11 heures. »« Je le sais bien, » fit Monsieur Bates d'une voix saccadée, à peine distincte, comme s'il eût perdu le souffle. « Vous attendez, Monsieur Gibson ?»« Il arrive. Je suis au service de Monsieur Gibson. J'administre son domaine. C'est une canaille, Monsieur Holmes, une affreuse canaille. » Vous employez les grands mots, Monsieur Bates. Je parle sans embâge. Monsieur Gibson va être là d'un moment à l'autre. Je ne voudrais pas pour tout au monde qu'il me trouve à chez vous. Le malheur est que je n'ai pu venir plus tôt, n'ayant appris que ce matin le rendez-vous qu'il vous avait donné. Et vous dites que vous êtes son régisseur. Je lui ai donné mon congé. Dans 2 semaines, j'aurai secoué les odieuses chaînes de ma servitude. Un homme terrible que Monsieur Gibson. Oui, terrible. Pour tous ceux qui l'entourent. La première de ses victimes fut sa femme. Il se conduisait comme une brute envers elle. Comment elle a trouvé la mort, je l'ignore. Mais j'affirme qu'il empoisonna sa bille. C'était, vous le savez sans doute, une créature des tropiques, une brésilienne. Ce détail m'avait échappé. Tropicale par la naissance, elle l'était par le tempérament. Elle avait aimé son mari comme savent aimer de pareilles femmes. On dit qu'elle avait été fort belle. En perdant ses charmes physiques, elle perdit tout ce par quoi elle le tenait. Autant nous avions tous d'affection pour elle, autant lui, nous le détestions à cause de la manière dont il la traitait. Mais il est rusé, habile à mettre de son côté les apparences. Ne le jugez pas sur de faux semblants, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je m'en vais. Il ne peut plus être loin. Sur ces mots, notre visiteur courut à la porte et disparut. « Eh bien, » fit Holmes, après un instant de silence, nous voilà prévenus. Attendons. À l'heure dite, un pas pesant ébranla notre escalier. Nous vîmes entrer le fameux milliardaire. Je compris en le regardant, non seulement la terreur et l'aversion qu'il inspirait à son ancien régisseur, mais les malédictions que tant de financiers, ses rivaux, avaient accumulées sur sa tête. Sa longue personne efflanquée, osseuse, suggérait l'appétit rapace. Son visage, tout en arête, semblait taillé dans le granit, tant il avait de dureté implacable. Ses yeux gris, froids, ombragés par des sourcils hérissés, nous dévisageaient, tour à tour, Holmes et moi, avec une pénétration inquiétante. Il s'inclina cérémonieusement quand Holmes lui dit mon nom. Puis, avançant un siège près de mon ami, il s'assit à son côté, si proche qu'il le touchait presque de ses genoux pointus. « Laissez-moi vous déclarer d'abord, Monsieur Holmes, commença-t-il, que l'argent pour moi ne compte pas. Jetez-le par les fenêtres si par ce moyen vous devez arriver à la vérité. Cette jeune fille est innocente, il faut qu'elle soit lavée du moindre soupçon. Cela vous regarde, prononcez un chiffre. » Je n'ai qu'un prix, répliqua froidement Holmes. Jamais je ne m'en écarte, si ce n'est pour refuser tout salaire. Soit, mettons que les dollars ne vous intéressent pas, mais tirez l'affaire au clair. et je vous promets une belle réclame dans la presse d'Angleterre et d'Amérique. Grand merci, monsieur Gibson, je n'ai pas besoin de réclame. Je préfère travailler sous le couvert de l'anonymat, pour le seul plaisir du problème. Venons aux faits. Vous les trouverez suffisamment exposés dans les journaux. Je doute que j'y puisse ajouter rien d'utile. Cependant, s'il y a un point quelconque que vous désiriez éclaircir, justement, il y a un point. Je désirais savoir la nature exacte de vos relations avec Miss Dunbar. Le roi de l'or fit un sursaut, mais reprenant aussitôt son calme. Je suppose que pour m'adresser une pareille question, vous en avez le droit, monsieur Holmes, et peut-être le devoir. Supposons-le, fit Holmes. Eh bien, je puis vous assurer que mes relations avec Miss Dunbar furent toujours celles d'un patron avec une personne à son service. Jamais je ne lui parlais, jamais je ne l'ai vue en dehors de la compagnie de mes enfants. Holmes se leva. Je suis un homme très occupé, monsieur Gibson. Je n'ai ni le loisir ni le goût des conversations oiseuses. Bien le bonjour. Notre visiteur s'est élevé lui aussi. Sous les touffes de ses sourcils brillait une flamme de colère. Est-ce à dire, monsieur Holmes, que vous en restez là de cette affaire? Dois-je entendre que, s'agissant de moi, votre prix n'est plus le même, ou que vous reculez devant les difficultés de l'entreprise? Vous me devez une réponse franche. La voici. L'affaire est trop compliquée pour que nous la compliquions encore par une information inexacte. Vous m'accusez de mensonge. Si vous tenez à votre mot, je n'y contredis pas. Je bondis sur mes pieds, car la figure du milliardaire manifestait une rage diabolique. Holmes, cependant, souriait d'un air las et tirant sa pipe de sa bouche. « Pas de tapage, monsieur Gibson. Après déjeuner, la plus petite dispute est malsaine. Croyez-moi, allez respirer la brise matinale. Cela vous fera du bien. » J'admirais avec quelle maîtrise le roi de l'or sut prendre sur lui-même. De la fureur la plus folle, il passa instantanément à une glaciale et dédaigneuse indifférence. « Comme il vous plaira. Je ne peux vous obliger à me prêter votre concours. Mais vous ne vous êtes pas rendu service ce matin, monsieur Holmes. On ne traverse pas impunément mon chemin. » « Je connais ce genre de menace, » riposta Holmes en souriant, « et je n'en suis pas moins toujours là. Au revoir, monsieur Gibson. Vous avez encore beaucoup à apprendre. » Et tandis que notre visiteur faisait une sortie orageuse, Holmes, imperturbable, fumait, les yeux rêveusement au plafond. « Aucune idée, Watson ?» me demanda-t-il enfin. « Ma foi, Holmes, je vous l'avoue, quand je considère que cet homme est de ceux qui écartent devant eux tous les obstacles, il me semble... »« Précisément, et à moi aussi. »« Mais comment avez-vous su la nature de ses relations avec l'institutrice ?»« Là, Watson, j'ai bluffé. »« Simplement bluffé. » La lettre de Gibson était d'un accent si passionné. En revanche, Gibson lui-même s'imposait une surveillance si apparente que cette contrainte m'éclaira sous la profondeur d'une émotion qui s'adressait bien plus à l'accusé qu'à la victime. Pour parvenir à la vérité, il fallait d'abord être fixé sur les relations qu'avaient entre eux le mari, la femme et l'institutrice. Attaqué de front, Gibson n'a pas bronché. C'est alors que j'ai recouru au bluff, en lui donnant l'impression de la certitude là où je n'avais que des présomptions. Peut-être Gibson reviendra-t-il? N'en doutez pas, il reviendra. Il ne peut s'en dispenser au point où en sont les choses. Mais il me semble qu'on sonne. Oui, et voilà un pas que je reconnais. Ah, parbleu, monsieur Gibson. Je disais en ce moment même au docteur Watson que vous commenciez à être en retard. J'ai réfléchi, monsieur Holmes. Je me suis trop hâté de prendre en mauvaise part vos paroles. Vous avez raison de vous attacher ainsi aux faits, quels qu'ils soient. Vous êtes comme un chirurgien qui, pour formuler son diagnostic, a besoin de connaître tous les symptômes. On ne saurait mieux dire. Seul un malade qui voudrait tromper le chirurgien lui cacherait quelque chose. Mais vous admettrez, monsieur Holmes, qu'un homme qu'on interroge de but en blanc sur la nature de ses relations avec une femme ait de la peine à réprimer un mouvement de révolte, pour peu que soit en cause un sentiment sérieux. La plupart des gens ont au fond de l'âme un coin secret, où ils n'aiment pas à voir s'aventurer les intrus. Et c'est là que vous faites irruption. Mais vous avez une excuse, le souci de sauver une innocente. Les dés sont jetés, le coin secret vous est ouvert. Que désirez-vous savoir? La vérité. Le roi de l'or se tut un moment, comme pour ordonner ses pensées. Son visage était devenu plus grave encore et plus triste. Quelques mots me suffiront pour m'expliquer, Monsieur Holmes. Je connus ma femme au Brésil du temps que j'y cherchais de l'or. Maria Pinto, fille d'un fonctionnaire de Manaus, était fort belle. J'avais alors toute l'ardeur de la jeunesse. Aujourd'hui, regardant le passé d'un œil plus lucide, je vois bien que la beauté de Maria Pinto était quelque chose de rare et de merveilleux. Nature richement douée, cœur passionné, exclusif, elle manquait d'équilibre. Bref, je l'aimais et je l'épousais. Ce roman dura quelques années, après quoi je m'aperçus que nous n'avions rien, absolument rien de commun. Mon amour déclina. Plut à Dieu que le sien eût décliné aussi. Cela eut tout simplifié. Mais j'eus beau faire, je ne réussis pas à la détourner de moi. On a pu dire que je poussais la dureté envers elle jusqu'à la brutalité. Mais c'était dans la pensée que si je tuais son amour, si je le changeais en haine, je nous servais l'un et l'autre. Peine perdue, elle continua de m'adorer. Sur ces entrefaites, ayant demandé par voie d'annonce une institutrice pour nos enfants, je vis se présenter Miss Grace Dunbar. Elle aussi, le monde entier l'a proclamée, elle est très belle. Je ne me prétends pas plus moral qu'un autre. Je reconnais que je ne pouvais vivre sous le même toit que cette femme et en contact quotidien avec elle sans m'en éprendre violemment. Me blâmez-vous, Monsieur Holmes ? Je ne vous blâmerai que si vous lui avez fait connaître vos sentiments, car en un sens, elle était sous votre sauvegarde. Il se peut, répliqua Neil Gibson, dans les yeux de qui s'était allumé un éclair de colère. Je vous le répète, je ne me fais pas meilleur que je ne suis. Jamais je n'avais rien tant désiré que l'amour de cette femme. Je le lui déclarai. Je lui déclarai que je l'eusse épousée si j'avais été libre, que l'argent n'est rien en soi, et que tout ce que je pourrais faire pour lui assurer une existence heureuse et large, j'étais prêt à le faire. Si je consens à m'occuper de l'affaire, c'est uniquement pour cette jeune fille, dit sévèrement Holmes. Ce dont on l'accuse n'est peut-être pas pire que ce que vous venez d'avouer, à savoir que vous avez tenté de déshonorer sous votre toit une jeune fille sans défense. Vous êtes ainsi quelque riche à qui l'on ne saurait permettre de compter toujours sur la coupable indulgence du monde. Je m'étonnais fort en moi-même de voir le roi de l'or encaisser sans protestation cette mercuriale. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Grâce à Dieu, mes projets échouèrent. Miss Dunbar repoussa mes avances. Elle voulait fuir sur le champ ma maison. D'où vient qu'elle resta? D'abord, elle avait des personnes à sa charge, et quand je me fus engagé par serment à cesser mes poursuites, elle consentit à rester. Une autre raison l'y décida. Elle savait qu'il exerçait sur moi une influence comparable à nulle autre, et elle pensait l'utiliser à de justes fins. Comment? Voilà. Elle connaissait un peu mes affaires. Or, mes affaires ont une ampleur que ne soupçonne pas le commun des mortels. Je fais et je défais à ma guise non pas seulement les individus, mais les sociétés, les cités, les nations même. Rude jeu que le jeu des affaires. Je le jouais sans pitié pour moi, sans pitié pour les autres. Miss Dunbar ne partageait pas mes idées là-dessus. Elle professait, peut-être avec raison, que nul n'a le droit d'édifier une fortune supérieure à ses besoins sur les ruines de 10 000 autres individus qu'il laisse en moyen d'existence. S'apercevant que je l'écoutais, elle crut qu'agir sur moi c'était servir l'intérêt du monde. Elle resta donc, le drame allait s'en suivre. Et sur le drame lui-même, savez-vous rien qui l'éclaire un peu? Le roi de l'or fut un moment sans répondre. La tête entre les mains, il semblait perdu dans ses pensées. Tout accuse, Miss Dunbar, je ne le nie pas. D'autant que les femmes ont une vie intérieure que nul ne pénètre. À la première nouvelle, consternée, atterrée, je crus qu'elle s'était laissée porter, comment, je n'en savais rien, à une extrémité pourtant incompatible avec sa nature. Il me vint à l'idée une explication. Je vous la donne pour ce qu'elle vaut, Monsieur Holmes. Il y a une jalousie spirituelle, susceptible de la même frénésie que la jalousie physique. Ma femme n'était pas sans savoir que la jeune Anglaise avait sur moi un empire qu'elle-même n'avait jamais eu. Elle était folle de haine, et les feux du ciel brésilien lui brûlaient toujours le sang. Peut-être avait-elle fait le projet de tuer Miss Dunbar, ou peut-être, en la menaçant d'un revolver, aura-t-elle voulu lui arracher la promesse de nous quitter. Il y aura eu lutte, le revolver sera parti, tuant celle qui le tenait. J'y avais déjà pensé, dit Holmes. En dehors d'un meurtre prémédité, je ne vois que cette explication de plausible. Elle se heurte aux dénégations de Miss Dunbar. Qu'elle soit vraie, et nous pouvons conclure. On comprend qu'après une aussi terrible scène, une femme rentrant chez elle tout égarée, encore armée de son revolver, le jette, sans presque savoir ce qu'elle fait, au milieu de ses vêtements, et qu'une fois le revolver retrouvé, incapable d'une justification sincère, elle se réfugie dans le mensonge. Qu'est-ce qui, à votre avis, interdirait cette hypothèse? Le caractère même de l'accusé. Je veux bien le croire. Holmes consulta sa montre. Vraisemblablement, nous aurons ce matin les permis nécessaires pour voir l'accusé dans sa prison. En ce cas, nous nous rendrons à Winchester dès ce soir. Il se peut qu'après avoir causé avec Miss Dunbar, je vous sois encore utile. Mais je ne vous garantis pas que mes conclusions répondent à vos espérances. Contrairement aux prévisions de Holmes, les permis officiels se firent attendre. En sorte qu'au lieu de nous rendre à Winchester, nous allâmes, l'après-midi, à Thorpe Place, le domaine de M. Neil Gibson dans le Hampshire. Le roi de l'or ne nous accompagnait pas, mais nous avions l'adresse du sergent Coventry, de la police locale, qui s'était le premier occupé de l'affaire. Il eut vite fait de se révéler à nous comme un garçon convenable, honnête, assez modeste, pour reconnaître qu'il avait perdu pied dans l'affaire et qu'il ne demandait qu'à être secouru. Je le dis tout franc. J'aime mieux votre intervention que celle de Scotland Yard, Monsieur Holmes. Quand Scotland Yard intervient, en cas de succès, tout l'honneur est pour lui. En cas d'échec, c'est la police locale qu'on blâme. Avec vous, au moins, chacun en a selon ses mérites. Puis-je me risquer à vous faire une question? Mais certainement, parlez. Le sergent regarda autour de lui comme s'il n'osait formuler ce qu'il avait à dire. Ne pensez-vous pas que le vrai coupable, ce pourrait être M. Neil Gibson? Je me le suis demandé, répondit Holmes. Si vous connaissiez Miss Dunbar, une personne belle et admirable sous tous les rapports. M. Gibson peut parfaitement avoir voulu se débarrasser de sa femme. Les Américains ont le revolver facile. Et c'est un revolver à lui qui a servi pour le meurtre. Est-ce bien démontré? Oui, monsieur. Le revolver faisait partie d'une paire. M. Gibson a tout un lot d'armes de ce genre. Nous avons vainement cherché un second revolver identique. Cependant, la boîte est faite pour deux. Si le revolver qui a servi pour le meurtre avait fait partie d'une paire, vous auriez retrouvé le semblable. On peut vous montrer la collection. Auparavant, allons jeter un coup d'œil sur le lieu du drame. Cette conversation se tenait dans la petite chambre occupée par le sergent Coventry sur le devant de l'humble maison où était le bureau de police. Une marche d'un demi-mille à travers une lande nous conduisit à une grille latérale ouvrant sur les terrains de Thorpe Place. Nous prîmes alors un sentier qui coupe la réserve des faisans et d'une clairière. Nous ne tardâmes pas à découvrir la maison. Elle couronnait une colline de sa vaste façade, dont le style mariait l'époque des Tudors à celle des Georges. Près de nous s'allongeait un étang bordé de roseaux, étroit à son centre, où la grande allée le traversait sur un pont de pierre. Il s'élargissait sur les côtés pour former de petits lacs. Notre guide, s'arrêtant à l'endroit du pont, nous montra le sol. « C'est là que gisait le corps de Mrs. Gibson, » dit-il. « J'ai cru comprendre que vous étiez arrivé avant qu'on y ait touché. Oui, on était venu me chercher tout de suite. Sur l'ordre de qui ? De M. Gibson lui-même. L'alarme donnée, lorsqu'avant tout son monde, il s'élança au dehors, il recommanda qu'on ne touchât rien avant l'arrivée de la police. Recommandation fort sage. D'après les journaux, le coup de feu avait été tiré de près. De très près, monsieur. À la tempe gauche, juste derrière. Comment était couché le cadavre ? Sur le dos. Aucune trace de lutte. Aucune marque. Les doigts de la morte étreignaient encore le billet de Miss Dunbar. Nous ne les desserrâmes qu'avec peine. Ce détail est d'une grande importance. Il exclut l'idée que, pour égarer la justice, on ait placé le billet entre les doigts de la morte. Le billet, je crois, se réduisait à une ligne suivie de la signature « Je serai au pont de Thorpe à 9 heures ». J'ai Dunbar. Est-ce exact ? Oui, monsieur. Quelles explications donne l'accusé ? Elle ne donne pas. Elle se réserve pour les assises. Problème intéressant. La question du revolver restant, n'est-ce pas, des plus obscures ? Pardonnez-moi, monsieur. Cette question me semblait en réalité ce qu'il y avait de plus clair dans l'affaire. Holmes hocha la tête. Si le billet est authentique, et nous savons qu'il l'est, Mrs. Gibson a dû le recevoir un certain temps, par exemple une heure ou deux avant le drame. Mais qu'avait-elle besoin de le porter au rendez-vous? En quoi lui était-il nécessaire? Cela ne vous frappe pas? Oui, peut-être à présent que vous me le faites remarquer, monsieur. Laissez un peu que je réfléchisse. Se disant, Holmes s'assit sur le rebord de la balustrade. Je voyais ses yeux mobiles darder d'un côté à l'autre, leur regard inquisiteur. Tout à coup, d'un bond, se remettant sur pied, il courut vers la balustrade opposée, tira de sa poche une loupe et se mit à examiner l'appui. « Curieux, » fit-il. Sur le fond gris de la pierre trancha un espace blanc qui pouvait mesurer tout au plus le diamètre d'une pièce de 6 pence. En y regardant de près, on voyait que la surface avait été ébréchée par un coup. Pour faire cela, dit Holmes, il a fallu un coup d'une certaine violence. Et de sa canne, il frappa plusieurs fois le bord de l'appui, sans y laisser la moindre marque. « Oui, l'on a dû taper fort, » reprit-il, « et un endroit bizarrement choisi, non point par-dessus, mais par-dessous, car ainsi que vous le voyez, le coup a porté sur l'arête inférieure. Aussi les deux faits peuvent-ils n'avoir pas de lien entre eux, mais la coïncidence mérite qu'on la note. Le sol, m'avez-vous dit, ne portait aucune empreinte ?»« Aucune. Il était d'ailleurs très dur. Alors nous n'avons plus qu'à pousser jusqu'à la maison pour voir les armes dont vous nous avez parlé. Puis nous partirons pour Winchester, car avant de poursuivre, je tiens à m'entretenir avec Miss Dunbar. » Monsieur Neil Gibson n'était pas rentré de Londres, mais nous trouvâmes dans la maison le trépidant Monsieur Bates, dont nous avions eu la visite le matin, et qui était là devant nous, avec une sorte de volupté lugubre, le formidable assortiment d'armes, de tous les genres et de toutes les dimensions, réunis par son patron au cours d'une vie aventureuse. « Monsieur Gibson, dit-il, a des ennemis, comme peut s'en douter quiconque connaît son caractère et ses méthodes. Il ne dort qu'ayant un revolver chargé dans un tiroir à son côté. C'est un homme violent. Il y a des moments où il nous fait peur à tous. Je suis convaincu qu'il a souvent terrorisé la pauvre madame. Avez-vous jamais été témoin de voix de fête sur elle ? Non, mais j'ai entendu des paroles qui valaient des sévices, des paroles humiliantes, cinglantes, même devant les domestiques. « Tout bien compté, Watson, » me dit Holmes, tandis que nous nous acheminions vers la gare, « nous avons recueilli un assez bon nombre de faits nouveaux. Cependant, je ne me vois pas encore près d'une conclusion. Malgré l'antipathie évidente de M. Bates pour son maître, il ressort de ses déclarations qu'au moment où l'alerte fut donnée, Gibson se trouvait dans la bibliothèque. Le dîner avait pris fin à 8h30. Jusque-là, il ne s'était rien passé que de normal. À la vérité, l'alerte ne se produisit qu'à une heure assez tardive. Ainsi, l'heure où avait lieu le drame doit être à peu près celle dont il est question dans le billet de l'institutrice. Rien ne prouve que M. Gibson ait quitté une minute la maison depuis son retour de la ville à 5h. D'autre part, Miss Dunbar reconnaît, paraît-il, avoir pris rendez-vous avec Mrs. Gibson près du pont. À part cela, elle refuse de rien dire, son avocat lui ayant conseillé de réserver ses moyens de défense. Nous avons à l'interroger sur plusieurs points d'une importance capitale, et je ne serai tranquille qu'après l'avoir vue. Je dois vous avouer que sa cause me semblerait bien mauvaise, n'était un détail. Lequel, Holmes? Le fait qu'on a trouvé le revolver dans sa garde-robe. Mais sapristi, Holmes, c'est ce fait-là surtout qui me semblerait la condamner. Erreur, Watson. Même à première vue, je l'ai jugé très étrange. Aujourd'hui que je connais mieux l'affaire, il est le seul sur lequel je fonde un espoir. Je ne vous suis pas. Supposons un instant, Watson, que vous soyez femme et que froidement vous ayez résolu la mort d'une rivale. Vous écrivez un billet, la victime arrive, vous avez votre arme, vous commettez votre crime. Me direz-vous qu'après avoir fait preuve d'une habileté consommée dans l'exécution de votre dessein, vous allez ruiner votre œuvre et votre réputation en oubliant de jeter votre arme au milieu de ces roseaux qui la déroberaient à tout jamais et que vous sentirez le besoin irrésistible de la rapporter chez vous, pour la mettre dans votre garde-robe, c'est-à-dire la place même où l'on ne manquera pas d'aller la chercher. Dans la fièvre du moment. Non, Watson, non, ce n'est pas possible. Qui prémédite froidement un crime, prémédite non moins froidement les moyens d'esquiver les responsabilités. J'espère que nous sommes ici devant un malentendu grave. Que de choses à expliquer alors? Nous tâchons de les rendre explicables. Sitôt que le point de vue se déplace, telle chose qui constituait une présomption inquiétante devient un indice de vérité. Prenons le fait du revolver. Miss Dunbar dit ne pas connaître cette arme. D'après notre théorie nouvelle, Miss Dunbar dit vrai. Donc ce n'est pas elle qui l'a mise dans la garde-robe. Et si ce n'est pas elle, qui est-ce? Quelqu'un qui voulait la perdre. Ce quelqu'un ne serait-il pas le criminel? Les formalités pour la délivrance des permis nous obligèrent de passer la nuit à Winchester. Mais dès le lendemain matin, en compagnie de M. Joyce Cummins, le jeune avocat déjà très estimé à qui était confié le soin de la défense, nous allons voir Miss Dunbar dans sa prison. Jamais je n'oublierai l'effet qu'elle produisit sur moi. Je ne m'étonnais pas que l'omnipotent milliardaire eût trouvé chez elle une autorité qui s'imposait à lui et qui le dirigeait. À voir ce visage énergique, nettement découpé, et qui reflétait pourtant la sensibilité la plus vive, on sentait que, fût-elle capable de céder à un mouvement impétueux, Miss Dunbar n'en avait pas moins une foncière noblesse d'âme et que son influence ne devait s'exercer que pour le bien. Elle était brune, la taille élancée, le port majestueux, l'air digne, mais il y avait dans ses yeux la même expression éplorée, misérable, qu'on voit aux yeux d'une bête quand le filet du chasseur s'est rabattu sur elle. En voyant mon illustre amie, elle se rendit compte du secours qui lui venait. Un peu de couleur tinta ses pommettes et son regard s'éclaira d'une lueur d'espoir. Peut-être M. Neil Gibson vous a-t-il dit quelque chose de nos rapports? Demanda-t-elle d'une voix basse et tremblante. Oui, répondit Holmes. Ne vous mettez pas en peine d'explication là-dessus. Je n'ai qu'à vous regarder pour être certain que M. Neil Gibson ne m'a rien dit qui ne sauverait quant à l'ascendant que vous aviez sur lui et au caractère irréprochable de vos relations. Mais ces choses-là, pourquoi les avoir laissées dans l'ombre devant le juge? Je pensais que si nous attendions, tout s'éclaircirait sans qu'il nous fallût entrer dans de pénibles détails sur la vie intime de la famille. Hélas, tout n'a fait que s'assombrir, je crois. Ma pauvre enfant, répliqua gravement Holmes, je vous demande de ne conserver à cet égard aucune illusion. Nous avons contre nous toutes les apparences, et il importe de ne rien négliger pour vaincre. Aidez-moi, autant qu'il est en votre pouvoir, à découvrir la vérité. Je ne vous ferai point de mystère. Dites-moi au plus juste quelles étaient vos relations avec Mrs. Gibson. Elle me haïssait, Monsieur Holmes. Elle me haïssait avec toute la véhémence d'une nature tropicale. Cette haine qu'elle avait pour moi était à la mesure de son amour pour son mari. Les rapports que nous avions, lui et moi, ne contenaient certes rien d'injurieux pour elle. Mais sa façon d'aimer était d'un ordre qui ne lui permettait pas de comprendre un lien purement spirituel, ni de concevoir que le désir d'exercer sur son mari une action bienfaisante me retenait seul sous son toit. J'avais tort d'ailleurs. Je m'en aperçois aujourd'hui, et je le confesse. Rien n'aurait dû me faire rester, puisque j'étais une cause de malheur pour cette femme qui, cependant, n'eût pas été moins malheureuse si j'avais quitté sa maison. À présent, Miss Dunbar, veuillez nous dire tout ce que vous savez des circonstances du drame. Ici encore, je ne dirai que la vérité, mais je ne suis en mesure d'apporter aucune preuve. Il y a des faits dont l'explication ne m'est même pas concevable. Fournissez les faits, peut-être vous fournira-t-on l'explication. Eh bien, donc, en ce qui concerne ma présence, la nuit, près du pont de Thor, sachez que j'avais reçu le matin un mot de Mrs. Gibson. Je le trouvais sur une table de la salle d'études. Il se peut qu'elle l'y eût déposé elle-même. Elle me demandait instamment de consentir à la voir près du pont après le dîner. Elle avait, prétendait-elle, une communication très sérieuse à me faire et me priait de lui laisser une réponse au jardin sur le cadran solaire. Sans comprendre tout ce mystère, je fis ce que me demandait Mrs. Gibson. J'acceptai son rendez-vous et selon le désir qu'elle exprimait, je brûlai sa lettre dans la cheminée de la salle d'études. Elle redoutait son mari, à qui j'avais reproché maintes fois la dureté qu'il lui montrait. J'attribuais les précautions dont elle entourait sa démarche à la crainte qu'il n'en eût connaissance. Elle, cependant, garda soigneusement votre réponse. Oui, je fus étonné d'apprendre qu'elle la tenait dans sa main au moment de sa mort. Ensuite, je me conformai à la promesse que je lui avais faite. J'allais au rendez-vous. Je la trouvais près du pont qui m'attendait. Jamais, jusque-là, je n'avais soupçonné à quel point j'étais détesté de la pauvre femme. Elle avait l'air d'une folle. À vrai dire, elle devait l'être. Et posséder cet instinct profond de ruse, de dissimulation que parfois l'on observe chez les fous. Sans cela, comment eût-elle pu me voir chaque jour avec une indifférence si marquée, alors qu'elle nourrissait contre moi une haine si furieuse? Les propos qu'elle me tint, je ne saurais vous les répéter. Elle déversa sur moi un torrent de paroles extravagantes, horribles. Je ne lui répondis pas, je n'en aurais pas eu la force. Je m'enfuis en me bouchant les oreilles. Elle était dans ce moment à l'entrée du pont, d'où elle vomissait contre moi les imprécations et les invectives. Quand on la retrouva, où était-elle? À quelques yards plus loin. Sa mort avait dû suivre de près votre fuite, et néanmoins vous n'avez rien entendu, rien. Voyez-vous, j'avais été si bouleversé par cette scène que je ne songeais qu'à me réfugier dans ma chambre, et j'étais incapable de remarquer quoi que ce fût. Une fois remonté dans votre chambre, en êtes-vous ressorti avant le lendemain? Oui, quand les cris dont la maison retentit m'annoncèrent la mort de la pauvre femme, je me précipitai au dehors avec les autres. Avez-vous vu alors M. Gibson? Il avait couru jusqu'au pont. Je le vis à son retour quand il venait de chercher le médecin et la police. Vous parut-il très ému? C'est un homme maître de lui. Il ne manifeste guère ses émotions. Mais je me rendis compte qu'il était profondément affecté. Nous touchons au point capital. Le revolver fut trouvé dans votre garde-robe. Aviez-vous déjà vu cette arme? Jamais, je le jure. Quand la trouva-t-on? Le lendemain de l'événement, dans la matinée, au cours des recherches de la police. Parmi vos vêtements? Sous mes vêtements, sur le plancher, à l'intérieur du meuble. Vous n'auriez pu dire depuis combien de temps elle était là? Elle n'y était pas la veille à pareille heure. Je l'y aurais vu en mettant de l'ordre dans ma garde-robe. Il faut donc que quelqu'un ait pénétré dans votre chambre et mis le revolver à cette place, sans doute. Mais à quel moment avait-on pu s'introduire ainsi chez vous? Soit au moment du déjeuner, soit aux heures où j'étais avec les enfants dans la salle d'études. Vous y étiez avec eux lorsque vous avez trouvé sur la table le mot de Mrs. Gibson? Oui, j'y suis resté toute la matinée. Juste en face de l'endroit où gisait le corps, nous avons relevé sur la balustrade du pont une marque de violence, une écorchure, toute fraîche. À votre idée, comment s'expliquerait-elle? Simple coïncidence, peut-être. Curieux, Miss Dunbar, curieux. Pourquoi cette marque apparaîtrait-elle et à cet endroit, dans le moment même du drame? Elle suppose un coup très fort. D'où serait-il venu? Holmes ne répondit pas. Son visage avait pris cette tension, cet air d'absence qui toujours me présageait les manifestations décisives de son génie. Il se produisait dans sa pensée une crise si évidente que nous en proférer un mot, nous restions là tous trois, l'avocat, l'accusé et moi, épiant sa méditation silencieuse. Soudain, il s'élança de sa chaise. « Venez, Watson !» me cria-t-il. « Qu'avez-vous, Monsieur Holmes ? Ne vous inquiétez pas, Miss Dunbar, patientez jusqu'à demain. » Les nuages se dissipent, la vérité finira par briller. Le voyage est court de Winchester à Thorpe Place, mais je vis que Holmes le trouvait interminable. Il arpentait fébrilement le wagon ou tambourinait des doigts sur les coussins de la banquette. Pourtant, comme nous étions près d'arriver à destination, il s'assit en face de moi. Nous avions pour nous seuls toute une voiture de première classe, et les deux mains sur les genoux, il me regarda dans le blanc des yeux, d'un certain air qui trahissait généralement chez lui les résolutions extrêmes. « Watson, me dit-il, vous emportez toujours une arme dans nos petites promenades. » Je sortis d'une poche de ma ceinture une petite arme courte, commode, d'ailleurs capable de rendre d'excellents services. Holmes dégagea le barillet, ôta les cartouches et après un examen en règle. « C'est lourd, me dit-il, remarquablement lourd. Et c'est d'une fabrication solide. » Il réfléchit une minute, puis... « Votre revolver, je crois, Watson, va être intimement lié à la solution de notre problème. Nous avons une expérience à faire. S'il réussit, notre problème est résolu. Tout dépend de la façon dont se comportera cette arme. Éliminons une cartouche. Là. Replaçons les cinq autres et remettons le cran d'arrêt. Ainsi, la reconstitution est plus fidèle. » Il ne m'en dit pas davantage, mais se replongea dans ses pensées pour ne revenir à lui au moment de descendre du train à la petite gare. Nous nous assurâmes une méchante carriole. Un quart d'heure plus tard, nous arrivions chez notre brave ami le sergent Coventry. « Vous avez du nouveau, Monsieur Holmes ?»« Je n'en sais rien encore. »« C'est le revolver du docteur Watson qui nous fixera. »« Pouvez-vous me procurer 10 yards de ficelle ? » L'épicerie du village nous en fournit une pelote d'une qualité très forte. Voilà qui fera notre affaire. En route. J'espère que notre voyage touche à sa fin. En approchant de la scène du crime, je m'aperçus que sous son air de froideur habituel, Holmes était profondément remué. Je lui en fis la remarque. « Oui, me dit-il, dans la prison de Winchester, j'ai eu brusquement l'impression de voir luire la certitude. Mais c'est le défaut d'un esprit actif, de trouver à tout des explications contradictoires, de sorte qu'il ne peut jamais se flatter d'être dans la bonne voie. Et pourtant, Watson, essayons. » Nous étions arrivés. Tout en marchant, Holmes avait fortement noué un des bouts de la ficelle à la crosse du revolver. Guidé par le représentant de la police, il marqua soigneusement la place exacte où l'on avait découvert le corps. Puis il ramassa un très gros caillou qu'il attacha à l'autre bout de la ficelle et l'ayant fait passer par-dessus la balustrade, il le laissa pendre au-dessus de l'eau. Enfin, il revint à la place fatale. Il tenait à la main mon revolver si bien qu'à mesure qu'il s'éloignait, le poids du caillou tendait la ficelle nouée à la corde. « Allons !» s'écria-t-il. À ces mots, élevant le revolver au niveau de sa tête, il le lâcha. L'arme, emportée par le poids du caillou, alla frapper avec un bruit sec l'appui de la balustrade, passa par-dessus et tomba dans l'eau. Déjà Holmes s'était agenouillé devant la balustrade. Un cri joyeux nous informait du succès de son expérience. « Vit-on jamais, s'écria-t-il, démonstration plus parfaite ?»« Votre revolver a résolu le problème, Watson !» Ainsi parlant, il désignait sur le rebord inférieur de l'appui où elle venait d'apparaître une seconde écornure ayant exactement la même forme que la première. « Nous passerons la nuit à l'auberge, » continua-t-il en se relevant, et s'adressant au sergent interdit. « Si vous voulez bien, lui dit-il, vous procurez un grappin. Il vous sera facile de rendre à mon ami son revolver. Vous trouverez à côté de cette arme le revolver, la ficelle et le poil l'aide desquels une femme vindicative a tenté de déguiser son suicide pour faire peser sur une autre l'accusation d'assassinat. Vous pourrez prévenir M. Gibson que j'irai demain matin causer avec lui des mesures à prendre pour la justification de Miss Dunbar. » Dans la soirée, pendant que nous fumions notre pipe à l'auberge du village, Holmes me résuma l'affaire. « Je crains, Watson, me dit-il, qu'en la rapportant dans vos annales, vous n'ajoutiez guère à mon renom. J'y ai montré une lenteur d'esprit lamentable. La seule écornure de la balustrade aurait dû m'acheminer vers la solution du problème. Je m'en veux de n'y être pas arrivé plus tôt. Certes, les moyens mis en œuvre par la malheureuse Mrs. Gibson, dans l'exécution de son dessein, étaient d'une complication trop subtile pour qu'on s'en avisât d'emblée. Je ne crois pas que dans aucune de nos aventures nous trouverions un exemple plus étrange de ce que peut faire un amour perverti. Aux yeux de Mrs. Gibson, une rivalité purement spirituelle en valait une autre et constituait de la part de Miss Dunbar un tort aussi impardonnable. Sa première idée fut de se tuer. Sa seconde fut de s'y prendre de telle manière qu'elle infligea à Miss Dunbar un sort encore plus affreux. Nous pouvons suivre un à un les développements de sa pensée. Il dénote une ingéniosité remarquable. D'abord, elle trouve le moyen de se faire adresser par Miss Dunbar un billet d'où semble ressortir que la jeune fille a choisi elle-même le lieu du crime, et dans la préoccupation d'assurer la découverte du billet, peu s'en faut qu'elle-même n'en détruise l'effet en le tenant à la main quand elle se donne la mort. Ce seul fait aurait dû éveiller plus tôt ma méfiance. Puis elle prend un des revolvers dont vous avez vu que son mari avait tout un lot, il le garde pour son propre usage. Mais le matin du jour où s'accomplira sa funèbre résolution, elle cache un revolver semblable dans la garde-robe de l'institutrice. Après avoir tiré une cartouche, ce qu'elle a pu faire aisément dans les bois sans attirer l'attention de personne. Enfin, le soir, elle se rend au pont. Elle a imaginé un moyen singulièrement habile de faire, après sa mort, disparaître son arme. Rejointe par Miss Dunbar, elle use sa dernière énergie, son dernier souffle, elle criait sa haine, et lorsqu'elle l'a mise en fuite, elle se tue. Voilà tous les chaînons en place, la chaîne est complète. Allons, Watson, nous venons de rendre l'un à l'autre une femme du plus grand mérite et un homme formidable. Que dans l'avenir ils unissent leurs forces, éventualité prévisible, et le monde financier s'apercevra sans doute que M. Neil Gibson n'a pas vainement passé par l'école de la douleur, où se prennent toutes les grandes leçons d'ici-bas. Ainsi s'achève « Le mystère du pont de Thor » par Arthur Conan Doyle.